amateurs de rock progressif à notre rendez-vous hebdomadaire. Mon nom est Jimmy Farley et vous écoutez Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et j'aimerais souligner aujourd'hui qu'on fête notre 10e anniversaire de la première mise en onde qui a eu lieu le 18 février 2013. Alors aujourd'hui, nous aurons Rick Wakeman d'Angleterre, Maurizio Di Tolo d'Italie, Caravella Escarlate du Brésil, Twombly Burwash d'Angleterre, Greco Bastian du Mexique, Armalite d'Italie, Nexus d'Argentine, Atlantis 001 d'Italie. Et on va conclure l'émission avec un classique du rock progressif. Il s'agit de Three Friends de Gentle Giant. Alors, pour débuter cette émission, je vous propose un classique du rock progressif. Il s'agit de Close to the Edge de Yes, mais interprété au piano par Rick Wakeman. C'est extrait de son album solo Two Sides of Yes, paru en 2001. On va enchaîner avec Maurizio Di Tolo. Ça, c'est un musicien italien qui a produit seulement 2 albums studio, mais on le connaît aussi pour sa participation à des groupes très connus comme La Maschera di Cera, Ost Sonaten, Finistere et entre autres aussi Moon Garden. Alors on va conclure avec une nouveauté du groupe brésilien Caravella Escarlate qui vient de faire paraître un 3e album en carrière. Le titre de l'album, c'est simplement 3 et la pièce que j'ai choisie s'intitule Cruz da Ordem. Mais on y va tout de suite avec Rick Wakeman. Thank you. madre di nebbia intensa che non conobbi mai. Chissà se la vita avrà saziato la tua fame, placato la tua rabbia, oppure defraudato. Sappi che io ti ho appena perdonato. Ti ho appena perdonato. Madre di piume d'ossa, madre non fosti mai. Una voce dietro un telefono a gettone. Ti pongo una domanda per cui spesso ti ho implorato. Dimmi adesso perché m'hai abbandonato. Che sia un uomo in mezzo a tanti, un topo in mezzo ai fiori, ma i topi saranno i vincitori, saranno i vincitori, saranno i vincitori. Saranno i vincitori. Thank you. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Un petit rappel de ce qu'on a entendu avant la pause, bien, c'était le groupe brésilien Caravela Escarlate. Alors, je viens d'écouter le nouvel album du groupe britannique Twombly Burwash, dont le titre est Grac to Grac. Et c'est le deuxième album suite au premier qui est paru il y a quand même plusieurs années, en 2014. Et pour débuter ce deuxième segment, bien, nous allons justement retourner sur ce premier opus avec la pièce ZZZVV pour poursuivre avec un extrait de leur deuxième album Grac to Grac. On va terminer avec le groupe mexicain Greco Bastian et un extrait de leur nouvel album With a Little Help from My Friends. We'll be right back. In faith we'll wait at the bishop's call, while echoes of hope trace the chapel walls. Bowed riders give no sign, while archangels bless the new-made shrine. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Le troisième bloc de l'émission de cette semaine y est dédié entièrement au coffret qui est paru là, en 2010. C'est un coffret concept qui s'intitule Dante's Paradiso, The Divine Comedy, avec trois performances réalisées premièrement par le groupe italien Armalite. Ça sera suivi de Nexus d'Argentine et on va conclure avec Atlantis 001 d'Italie. Je rappelle que ce coffret de 4 CD est sorti en 2010 et regroupe 35 chansons inédites avec la participation d'autant d'artistes différents. Alors, c'est un coffret dans la lignée des coffrets Decameron qui ont été réalisés par le même promoteur Colossus. Thank you.

êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Pour ce quatrième et dernier bloc de l'émission, qui consiste à diffuser la face complète d'un album considéré comme un classique du rock progressif, eh bien, j'ai choisi cette semaine l'album Three Friends de Gentle Giant, qui est sans aucun doute mon préféré de leur catalogue. Alors ça, c'est paru en 1972. Alors on y va avec quatre extraits de Three Friends. Wait for

Bye.